your bits in the trash. Le bras long, voilà, ils vont la sentir passer. Je vais les devancer, ils auront pas le temps de se dire ça passé. C'est avec un verre dans ta gueule qu'on traquera à ta santé. Préviens toute la meute que le lion noir compte faire des atrocités. Quand tu me parles, moi, de quoi que reste cool. Tu prends des ailes, on est capable de te plumer. Je parle peu, moi, je suis plus dans le mou. Évidemment que mes propos, je peux les assumer. Appelle-moi si y'a du paper move. J'ai pas la tête ni le temps de chômer. Ici, je compte pas venir faumer. Venir en promener, je compte pas en voiture trop mais. Une prière avant la guerre où c'est nécessaire. Une prière avant la guerre où c'est nécessaire. Une prière avant la guerre où c'est nécessaire. Let's get it, quand les plans A et B ont échoué, que certains veulent vendre de la scène. Et vu qu'on a le street minimum, on emploie souvent les systèmes D. Alors on fait le nécessaire pour rouler dans les dernières classes E. La vie, la mépris, tout le reste, on le redit, j'en ai rien à F. G-Bag, moi, amigo, j'avais tout gros, j'avais tout gros, j'en ai perdu, de ça, je mets le couvre, mais le couvre, tout moi là où y'a du bénéfice, les mots en gros, man, man. Les brouillards, même dans la merde, jamais je suis jamais, sous la foule, dans un corbillard. J'en mets dans le trou, un peu comme au billard. Dream Hard, mais parler les babillards. Aperçois plein gris, sorti du brouillard. Une prière avant la guerre où c'est nécessaire. Une prière avant la guerre où c'est nécessaire. Une prière avant la guerre où c'est nécessaire. Let's get it. Mauvais élève, toujours 2-3 blâmes. Pour forniquer, toujours 2-3 dames. On veut des yachts, on veut pas des frames. L'argent est sale, un peu comme cette dame. Si tu gaffes, je te recache juste avec 2-3 babes. Cette frappe te cogne après 2-3 tapes. Des plans pour des chiffres, on connaît notre programme. Par ici, dans les jeans, souvent 2-3 grammes. Mon pote, je compte bien forcer destin. Quitte à le tirer par le chignon. Ah oui, fuck le 6 coups, pas de gamme. Dans mes plages, fais du filet mignon. Dans tes soirées, y'a pas un chat. Dans les notes, y'a v'là la chatte. C'est véridique. Dans tes soirées, y'a pas un chat. Dans les notes, y'a v'là la chatte. Une prière avant la guerre où c'est nécessaire. Une prière avant la guerre où c'est nécessaire. Une prière avant la guerre où c'est nécessaire. Let's get it. Me crache pas dessus, cognon. Si tu comptes me lécher, putain, c'est cher. Pour l'argent, je ne dors plus. Je pense que je vais vendre mon plumard. Unique sont mes fucking flow. Oui, je me démarque de la plupart. C'est pour mes black blancs, moi, je suis OG. Et je ne vois pas. Tu me regardes sur YouTube en 1080p. Je serai bientôt en Blu-ray. J'ai trop la dalle, trop énervé. Photo pour avoir le Blu-ray. De l'évolution, je joue en ébullition. La pression monte, fait belle. Mes rebelles me disent Zartek, Brengley, je leur réponds, c'est le mec. Prière avant la guerre où c'est nécessaire. Une prière avant la guerre où c'est nécessaire. Une prière avant la guerre où c'est nécessaire.